Avant de commencer, là, je me suis rajouté le bon bouteille. Je vais permettre à l'homme de rentrer dans cette fonction, cette haute fonction mentale-là. Puis, ce livre-là, ça va être une mémoire. Ça sera une mémoire. Je ne sais pas si je peux pas vous dire si va être l'épaisseur du livre. Probablement que ça va être une brique comme la Genèse, là, parce que les autres ont des briques, ils n'ont rien à se dire. C'est bon que vous sachiez que je vais écrire un livre sur la psychologie du temps. Je vais peut-être vous donner des petits détails, là. Ils disent que ça, je vais commencer à l'écrire aussitôt que je vais me sentir bien. Ils disent que ça va nous permettre de réellement comprendre qu'est-ce que c'est la psychologie qui est là. Ils disent que ça va être avancé dans le sens que ça va être occulte, mais ça va être compréhensif, ça va être sain. Les mots vont être sains. Même les gens sains d'éducation vont pouvoir le comprendre. Fait que quand est-ce qu'ils vont sortir? Il dit ça va sortir quand ça va sortir. Okay. Ça. C'est intéressant. Ça va sortir quand ça va sortir. Mais j'ai envie de voir qu'est-ce que c'est déjà. Parce que ça va arroser nos connaissances. Il y a déjà un étudiant en France qui a fait. Il a fait une thèse doctorale, il n'y a plus des sections de la Genèse générale. Fait que c'est bon, ça, c'est... Mais avec le livre, avec un livre comme ça, comment est-ce que je vais l'appeler, ce livre? Il s'agit d'étudier la psychologie évolutionnaire. En quoi tu fais? Je ne veux pas être prévision, je vais sortir de là. Je ne veux pas aller trop. Je ne veux pas aller trop. Ça pourrait vous être fou. Ok, on y va. Dans la deuxième partie, le thème c'est violence et morale sociale. Tout à l'heure, je l'ai dit, on pourrait parler des jeunes. Et puis effectivement, on est dans une dynamique sociale où il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence dans la musique, il y a beaucoup de violence par le biais du cinéma. Il y a beaucoup de violence même aussi au niveau des médias. Tu sais, quand on s'en va dans le domaine des médias, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agressivité. On parle des skinheads, on parle de toutes les formes d'agression par le fait des journaux, là, de la bossie, puis tout ce truc-là. La guerre est accessible à l'individu plus qu'avant. Quand on parle de jeux vidéo pour les ordinateurs, entre autres, c'est toujours des luttes, des combats, de l'assassinat, en tout cas, il y a rien qui relaxe là-dedans. Y a-t-il quelque chose, y a-t-il un éducation qu'on peut donner à une société pour que ça arrête, là, ou bien si c'est nécessaire à une société de vivre cette continuelle forme de dualité, de combat entre deux idéologies? Parce que finalement, la violence, ça vient de deux idéologies qui ne rencontrent pas. Là. Mais il y a quelque chose qui peut être fait pour une société pour neutraliser cette violence-là dans une société. C'est très complexe, le phénomène de la violence dans une société. On va en étudier quelques étapes. Un des problèmes fondamentaux de la violence dans la société moderne occidentale, même orientale, c'est que dans la violence, l'homme recherche ou les nations recherchent une identité. La violence, c'est une réaction psychologique à l'absence d'identité. Puis l'homme ne peut pas vivre dans un vide. Quand l'homme vit dans un vide social, comme là aujourd'hui, on vit dans un vide social, on n'a plus d'église, on n'a plus comme avant, etc. À ce moment-là, l'homme vit sa violence parce qu'il est obligé de réagir animalement, pour se sentir. La violence, c'est le besoin de l'homme de se sentir. Mm-hmm. Donc, de se trouver une identité, mais à travers son animalité. C'est ça, de la violence. Si l'homme est inconscient, il cherchait son identité à travers le mental. Donc, à travers le calme, la patience, ou la spiritualité, qui est un être spirituel. Fait que la violence dans la société, elle découle du fait que l'homme moderne n'a plus de connexion psychologique avec les lumières de sa civilisation. Donc, les valeurs morales d'antan, les valeurs sociologiques d'antan, tout est en chambardement. Et en plus du fait qu'on est rentré, surtout depuis l'ère de la télévision, on est rentré dans une période où l'image est devenue, l'image a une valeur monétaire. Regardez ce qui se passe avec Calvin Klein, là. La grosse affaire de Calvin Klein, les annonces aussi. Calvin Klein, il était réellement critiqué à New York, tu sais. Au niveau de les annonces. Bon, mais l'image a une valeur monétaire. Le son a une valeur monétaire, la musique, et l'image a une valeur monétaire. Ça fait partie de la dégénération très très rapide dans un sens de notre civilisation depuis les années 60-70. C'est très très astral parce que l'énergie astrale, c'est le fuel pour tout ce genre de mouvement. Alors, le fait que l'image et le son sont monnayables, ce qu'on retrouve dans l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique, ça pollue tout l'environnement de vie. Si vous enlisez aujourd'hui l'image violente du cinéma et la violence sonore de la musique, la violence sociale tomberait. Fait que ça fait partie de la rupture des formes de notre civilisation. Ça fait aussi partie du fait que l'homme a pris contact avec sa spiritualité primitive, puis éventuellement, ça va le ramener à découvrir une autre spiritualité. Un petit peu plus évolué, là. Puis, si inévitable, ça fait partie des cycles lunaires de la planète. Puis, on n'a pas fini d'en voir parce que la stress, ça s'empire en du temps. Où il y a une solution à la violence, où il y a une solution à la violence, c'est au niveau individuel. Mais là, vous tombez dans l'éducation des jeunes. Les jeunes, dans la mesure où les jeunes vont se trouver une identité, les jeunes vont se sortir de ces courants de violence-là, dans ce moment-là, ils vont être obligés de s'identifier psychiquement à eux-mêmes. Ils ne pourront pas s'identifier trop à l'égrégore collectif autour des autres. Ça va faire partie de ça. Ça va faire partie de la révolution. Ça va changer leur conscience. Ça va faire d'eux des êtres particuliers. Puis, tu peux pas être conscient et appartenir à quoi que ce soit. Fait que c'est comme ça que les jeunes, la jeune génération aussi qui sont, ou les gens de l'autre, de la jeune génération qui se conscientisent vont se sortir de la violence ou ne participeront plus à la violence. Mais il n'y a rien à faire avec la violence. Ça va durer au moins jusqu'à l'an 2050. En changeant constamment de forme. Ça change constamment de forme. La violence va changer de forme. Ouais, constamment, ouais. Ouais, elle va constamment changer de forme. Elle va être plus utile. Parce que l'homme a une très, très grande capacité psychologique de s'adapter. À la violence. À des virus. Différentes sortes de virus. La violence, c'est un virus. L'homme s'adapte psychiquement, l'homme s'adapte physiquement. L'homme s'adapte physiquement, l'homme s'adapte psychiquement. L'homme va s'adapter à des choses. Dans 20 ans qu'aujourd'hui, tu trouves absolument abominable. C'est comme quand vous regardez en arrière, tu sais, on s'est adapté à Elvis Presley, mais il y a du monde, mais le texte, on est abominable à Elvis Presley. On veut dire Elvis Presley, comparé avec ce qui se passe, c'est un enchanté. Fait que, même chose au niveau du cinéma. Bon. Vous allez dire, y a-t-il une valeur, à la violence, que c'est ça? Il y en a une valeur. Puis, c'est une valeur qui est très étroite. C'est que, elle permet à l'individu de se libérer de l'autoritarisme. Parce que la violence qui existe, les célèbres, vous parlez des célèbres? Oui. Ces gens-là, tous, les gens, dans leur mode d'expression, se libèrent de l'autoritarisme. Et la violence, mais, c'est simplement une réaction. C'est un outil pour eux autres. OK. Fait que dans un sens, c'est normal que les jeunes soient plus violents. Puis de l'autre côté, il faut qu'ils fassent attention. Parce que l'égrégore de la violence peut devenir tellement puissant qu'éventuellement le jeune, en tant qu'individu, est absorbé dedans. C'est ça le danger de la violence. La violence n'est pas dangereuse en tant qu'elle-même. La violence est dangereuse dans le sens qu'elle va absorber les êtres qui n'ont pas suffisamment d'identité. Les êtres qui ont d'identité, mais la violence, ça fait simplement partie du panorama de la vie. Mm-hmm. Et les êtres qui n'ont pas d'identité, ils vont être absorbés par la violence. Puis ça, c'est là qu'on les perd, ces jeunes-là. Mm-hmm. Donc, ils vont finir dans, ils peuvent finir dans le meurtre, ils peuvent finir dans la drogue, ils peuvent finir dans toutes choses. Fait que, pour éliminer la violence, puis aussi à l'éliminer sur le plan individuel. Sur le plan collectif, il y aura toujours des mécanismes sociaux pour la contenir. La police est là pour contenir la violence. Les gouvernements sont toujours là pour contenir la violence. Dans le fond, la violence, c'est simplement un éclat temporaire d'énergie. Puis il y aura toujours des forces extérieures dans la société pour contenir la violence. Fait que, mais sur le plan individuel, l'homme doit développer suffisamment d'identité pour ne pas être affecté par elle. Parce que ça peut être très déprimant, éventuellement, de voir et d'être confronté constamment à de la violence. Peut-être que vous ne voyez pas la violence dans la musique. Peut-être que vous ne voyez pas la violence dans les films. Vous ne voyez pas la violence dans la société, tous les jours. Mais là, la façon que les gens parlent, est-ce que... Les gens ne le voient pas parce que ça les touche pas physiquement? Ou... Les gens ne le voient pas parce que les gens sont endoctrinés. Okay. Les gens sont endoctrinés. Bon, je vous donne un exemple. Quand il y a le mouvement de libération politique des années 70 au Québec, quand les artistes se sont mis ensemble et ont dit, bon ben, on soit le pitié, là. Mm-hmm. Même si tu ne connais pas, si on ne connaît pas, c'est-à-dire de l'intérêt qu'on va dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont pas réalisé que c'est de la violence. C'est de la violence. Fait que si tu es jeune, tu as des buffers, ben, tu ne sens pas ça comme de la violence. Tu sens ça comme une sorte d'affinité, une sorte de camaraderie, et ainsi de suite. Mais quand tu as une certaine sensibilité, ça devient de la violence. Mm-hmm. Tu le réalises. Moi, il y a une maîtresse qui m'arriverait dans l'intérêt pour me dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux des doses? Tu les avais tout coupé de nous? Tu te les chies? Dans la barre, j'ai envoyé la suite. Puis il fallait comprendre que tu me connais-tu? Puis j'avais un choc. Fait que. Avec ma conscience vide, ça. On dit d'ailleurs. Est-ce que d'abord, je voudrais dire que le niveau de violence augmente avec la diminution de la sensibilité des gens? Oui. Définitivement, parce que à partir du moment où la masse devient insensible, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que les âmes, toutes les âmes, inconsciemment, se connectent. Parce que quand tu es dans une société, là, mieux les hommes à travers le langage, l'image, le son, les états, ils se connectent. Puis là, ben, ils développent ce que tu appelles du grégor de la masse. Puis là, ça peut devenir très, très puissant. Ça peut dégénérer quand c'est déclenché par des événements, par exemple. Ou si tu dis, ben, tu as eu King qui va se frapper à Californie. Parce que l'individu, il va pas connecter au niveau de l'âme avec les âmes des individus dans un environnement. Il va rester toujours sous contrôle de son énergie astrale. C'est la violence qui collectivise. La violence, ça collectivise pas. Mais le manque d'identité va faire que la violence va collectiver. Okay. C'est toujours, ça peut être lié à un manque d'identité. Parce que vous regardez des gens là, qui sont en campagne, la maison d'un cultivateur passe au feu, c'est violent comme événement, puis automatiquement, il y avait peut-être plein un bi, tout le monde se réunissait pour aider l'intruder à se reconstruire. Donc, la violence peut vouloir faire mettre du monde ensemble pour... Dans ces conditions-là, il y a une conscience qu'il y a une identité sociale, une identité sociale qui leur permet de faire ce choix-là d'aider le gars. Mm-hmm. C'est un mouvement positif. Mais il y a le pendant négatif aussi de prendre position contre l'élément attaquant. Là. Quand tu as des idéologies qui se confrontent, astrologiquement, en tout cas, il est prévu qu'il y ait beaucoup de conflits raciaux dans les prochains 18 ans. Là. Bon, ben, deux idéologies qui se confrontent, ça va faire prendre position des gens contre une autre idéologie. Toujours particulièrement une identité. Un homme qui est dans son identité n'est jamais impliqué dans des conflits sociologiques, ou dans des conflits politiques, ou dans des conflits d'autres collectifs. Mm. C'est impossible. Votre contact va vous le faire écouter. Ouais. C'est un gars vieux vieillot, puis me demander pour qui je vote. Je vais automatiquement lui dire que je vote pas. Parce que je vote pas. Mm. Il faut que ça tourne. Tu peux pas, je ne veux pas dire que je suis au monde de pauvreté, je parle de moi en tant qu'individu. Bon. Fait que. Si vous avez une population qui est inconsciente, ça va faire une autre sorte de gouvernement. Ouais, mais là, c'est ce que tu extrapolies, là. Mais le principe au niveau individuel, quand tu es individuel, c'est bien difficile d'expliquer ça, l'individualité. Moi, je m'explique. C'est son application qui est difficile. Ouais, c'est son application. Quand c'est individualisé, quand c'est l'identité, dans le sens que je le parle, là, quand c'est l'identité, tu vis toujours par rapport à toi. Tu vis jamais par rapport aux autres. Tu respectes les autres. Mais tu ne vis jamais par rapport aux autres parce que la conscience des autres ne soutient pas, ne soutient pas ton intelligence. Tu n'es pas capable de, d'établir de rapport. Mais la raison que tu es capable de le faire, c'est-à-dire, la raison que tu es capable d'être seul, c'est parce que c'est l'identité. C'est le problème de tous les hommes, l'identité. Si les hommes sur la terre avaient de l'identité instantanément, la civilisation terrestre changerait. Tout changerait. Les formes de gouvernement changeraient. Tout changerait. Mm. C'est pas plus l'identité. L'identité, c'est pas un paramètre psychologique, c'est pas une invention de l'homme, l'identité. C'est un rapport étroit entre sa nature planétaire et sa nature cosmique. Mm. Une fois que l'homme a commencé à rentrer dans cette réalité-là, il ne peut plus vivre son expérience comme avant. Donc, il ne peut plus participer à la violence. Il ne peut plus aider la violence. Il ne peut pas créer de violence. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un problème d'identité. C'est pour ça qu'un jour, il faudra qu'un jour, vous fassiez une conférence et qu'on étudie la situation des jeunes. Les jeunes aujourd'hui, qui sont victimes d'un schisme ou d'un déchirement de la conscience sociale. On le dit des années 40, 50, au grand vide des années 60, 70, 80, 90. Puis là, ils sont là-dedans, là. Puis, faut qu'ils trouvent une identité sociale. On parle pas d'identité psychique, là. On parle d'identité sociale. Il faut avoir aussi une identité sociale?

sa conscience change. Un jour, automatiquement, il va être obligé de sortir. Okay. Le grand danger avec des notions qui sont totalement ouvertes, comme la psychologie ou le littéraire, c'est que les gens développent des attitudes. Puis là, je suis un être qui a une certaine conscience, je vais sortir de ce milieu-là. Là, c'est une forme de prédéterminisme. C'est pas bon parce que ça va vous demander de développer une attitude mentale. Okay. C'est très possible que, étant dans ce milieu-là, vous aviez des choses à apprendre. Mm-hmm. Mais le point que je veux dire, c'est que si l'homme se conscientise, développe une identité psychique, automatiquement, il va être obligé de se sortir lui-même de ces environnements-là. Pour que ce soit une conséquence de votre évolution, de sortir de ces mondes-là. Faut pas que ce soit une attitude mentale. Si ça passe d'une attitude mentale, vous allez vous rentrer dans un autre milieu qui va être aussi pire que celui que vous avez laissé. OK. Bon, dans les milieux qui véhiculent beaucoup de violence, il y a toujours le syndrome du héros. Laisse-moi vous dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Moi, ma fille est allée en Hawaï, à Hawaï, c'est pas longtemps. Puis à Hawaï, il y a une grosse communauté spirituelle, là. Ouais. New Age, là. Bon. Puis il y a des gens qui ont l'affaire. Il y a des gens de 40, 50 ans là-dedans. Là. Des gens, même des gens qui ont l'argent, des gens qui sont matériellement à l'aise, c'est ça. Puis des gens qui sont quoi. Mais ce qui est intéressant dans toute cette expérience-là, c'est qu'elle est allée, déjà, ma fille, elle a 22 ans. Fait qu'elle s'en va à Hawaï. Elle avait un travail à faire, elle avait des gens rencontrés. Puis elle est, à cause de Denis Gravel, elle est rentrée dans cette communauté New Age-là. Puis, les gens lui ont laissé savoir, à travers leur expérience, le caractère bénéfique des drogues. Ils ont tout énuméré, là. Drogue de ci, qu'est-ce que ça fait? Quelle drogue que c'est que ça fait, quelle drogue que c'est que ça fait, quelle drogue que c'est que ça fait. Puis elle dit que c'était tellement merveilleux la façon que tu prends le contexte là-bas, là. Des dauphins qui se promènent, là, puis les jeunes, puis les loups qui sont des rochers. Tu sais, c'est Hawaï, c'est beau. Bon. Puis là, t'as ces gens-là de 45-50 ans, là, qui sont à Grèce-Bin, qui sont en train de dire comment c'est merveilleux la drogue de ci, qu'est-ce que ça fait cette drogue-là? Qu'est-ce que ça fait, ce drogue-là? Puis, elle m'a dit, si tu n'avais pas parlé, elle dit, je suis tombé dans le tanneau, je l'aurais pas fait. Parce que les gens sont très sensibles, il y en a qui sont voyants là-dedans, puis ils sont capables de se rentrer dans leur monde. Mais comme elle avait l'identité, elle était polie, elle les a écoutés, elle a appris ce qu'elle avait à apprendre de l'or, mais elle n'est pas tombée dans le piège de la drogue avec eux autres. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'identité. Puis, elle me dit, c'était tellement beau là-bas, c'était tellement, tout amenait à ça. Fait que, si vous prenez un jeune normal, vous l'envoyez en Hawaï, rencontrez des gens de même, c'est automatiquement qu'il va finir sa soirée, il va finir tout put, whatever. Mm-hmm. Fait que le phénomène de l'identité, c'est un phénomène qui est très très profond. Puis on n'en connaît pas tous les aspects aujourd'hui. On le réalisera au fur et à mesure qu'on rentrera dans notre identité, qu'on saura qu'est-ce que c'est que ça veut dire l'identité. Mais définitivement, l'identité, c'est le cristal de la conscience humaine. Si vous regardez le phénomène de l'identité sur les plans subtils, un homme qui est dans son identité, sous les subtils de lien, il est dans un cristal de lumière. Donc, ça va loin, l'identité. Fait que, dans une société violente comme la nôtre, si l'individu n'a pas d'identité parce que ça ne fait pas partie de l'information que je suis au niveau de son évolution, dans ce moment-là, il vit toujours par rapport à ce qui se passe. C'est tout ça que la vie des jeunes est difficile. Fait que des jeunes qui ont une bonne vibration, qui sont fins, qui sont intelligents, puis qui se cherchent une identité à un tel point où, éventuellement, ils disent, ils tombent dans la trappe, ils se disent, oh, mais c'est la société qui nous doit, là. C'est la société. C'est pas vrai. La société ne doit rien à l'homme.

moindrement intelligent, qui a envoyé tout de suite les fucking têtes par rapport à ça. C'est un petit peu comme Trudeau a fait dans le perle. Ça n'a pas duré longtemps, il a fait le cul, c'est ça. Fait que, c'est ça l'affaire. Mais quand il était critiqué, on l'a critiqué, parce qu'on n'aime pas ça, avoir de tout ce qui vient, qui passe, qui contient l'égrégore. Et les gouvernements sont faits pour ça. Les masques ne pourront jamais renverser un gouvernement. Mais ça, c'est déjà fait dans le passé. C'est pas les masques qui renversent un gouvernement. Ce sont des individus. Aucun des masques ont une allégeance, une fidélité. C'est pas les masques. C'est des individus. C'est pas les Russes qui ont renversé le système socialiste en Russie. C'est Gorbatchev. Yeltsin, c'est eux autres qui ont fait là, qui ont créé le mouvement. Les masses sont alliées à ça. Ça prend des individus forts, qui ont du charisme, et tout. Les masses ne sont pas capables de les faire. Les seules choses que les masses sont capables de faire, c'est de détruire. C'est un petit peu comme Maurice Richard dans le temps, quand il avait été sorti de il y avait eu une punition, là. Bon, les morts sont descendus des rues, qui ont conseillé les Strange Keaton, M. Morgan, puis les Sarifin Catherine dans le temps. Ils ont une masse, ont une capacité de détruire. Ils n'ont pas une capacité de construire en France s'ils n'ont pas de chef. Fait que si, ça va loin l'affaire de l'identité. Bien, bien loin l'affaire de l'identité. Fait que l'identité sociale, finalement, c'est un chef qui a d'identité. Une identité sociale, c'est un état mental, social, à un certain niveau, qui est maintenu en équilibre par une région chef, des chefs de différents calibres, parce que c'est une pyramide de la société. C'est le président, vice-président, secrétaire, trésorier, ça le fait, c'est des agences. C'est ça qui tient toute l'affaire ensemble. C'est ça une identité sociale. Mm-hmm. Un culte social, le petit culte social. Mm-hmm. C'est généré par un chef. Qui est maintenu par un chef, ou par des chefs, qui est maintenu là, mais qui est rattaché aussi à des principes de conservation qu'on retrouve dans les constitutions nationales. C'est les constitutions, là, qui sont réellement l'arme des pays, comme aux États-Unis ou au Canada. Mm-hmm. Là, on est dans un tourment, là, au Québec. On peut-tu parler d'une recherche d'identité sociale? Au Québec, là, on est dans une recherche d'identité sociale. Effectivement. Puis, il va falloir qu'on choisisse entre si oui ou si non. Puis, ça va être intéressant de voir à quelle base ça va. Ça va-tu dans le oui, ça va-tu dans le non? Un individu, un type qui est dans son individualité, il va dire, bon, ouais, je suis pour le oui, je suis pour le non, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il décide. Tandis qu'un homme qui n'est pas dans son identité, il va se coller à un oui ou à un non pour pouvoir avoir l'impression d'appartenir à quelque chose. De faire une différence. Fait qu'il y a différents niveaux d'identité. C'est intéressant, finalement. Ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde la bourse, par exemple, quand une personne vend un stock, il y en a toujours un qui achète. Donc, il y a toujours quelqu'un qui pense le contraire de toi. Mm-hmm. OK? C'est fantastique de voir qu'il n'y a personne qui pense la même chose en même temps. Mm-hmm. Donc, le conflit ou la guerre ou la dualité va toujours exister parce que si on prend position pour un oui, il y aura toujours une gang de non, mm-hmm. et ça va toujours générer de la chicane en fait mort. Mm-hmm. Donc, c'est impossible d'éteindre la violence dès qu'on prend position. C'est impossible d'éteindre la violence sur une conscience sociale. OK. Donc, avoir une identité. On peut la réduire, la violence. Il y a des pays où la violence est réduite, comme au Danemark. Il y en a toujours de la violence en potentiel. Mm-hmm. Et c'est des pays qui sont bien organisés. Mais techniquement, la violence, ça vient de la polarité. Parce que si un individu est dans son identité, il n'est pas particulièrement attiré à une polarité ou à un autre. Fait qu'à ce moment-là, le caractère violenteux de sa relation avec la société, il disparaît. OK, bon. Une personne comme vous qui est objectif de par la fusion, vous pouvez voir tous les avantages, exemple, dans le cas du Québec, du oui, les avantages du non. Vous êtes capable de le voir. Et vous êtes capable aussi de voir les désavantages. Comment qu'un individu traite avec la société quand lui, c'est ses avantages à lui qui priment et non pas l'avantage d'une collectivité? On ne peut pas prendre position quand on est objectif. Quand on est objectif, on ne peut jamais prendre de position. On fait simplement des études. C'est ça. Tu ne peux pas être dans une conscience universelle qui prend position. C'est comme qui étudie le mouvement nazi. Si on prend le pire des cas, tu regardes le mouvement nazi en Allemagne. Donc, tu prends le sort des Juifs, qui était réellement un sort terrible. Tu prends la condition allemande, qui est aussi une condition terrible parce qu'elle était assujettie au charisme, satanique de Hitler. Mm-hmm. Puis le culte de Hitler, puis de Hitler, toute la gang de Berlin. Mais si on regarde d'un point de vue universel, là tu t'aperçois que l'Allemagne, c'est la représentation, la réincarnation des dernières forces centuriennes romaines. Mm-hmm. Parce qu'il y a une connexion. Tu vois la position des armées à Nuremberg, tu vois la façon que les Allemands se comportaient au niveau militaire, au niveau du protocole militaire, au niveau des manœuvres esthétiques militaires. C'est totalement légionnaire romain. Mm-hmm. Fait que c'est simplement un repeat of history. C'est une répétition d'histoire. Fait que t'es pas capable de juger. Ça donne fonction. Parce que ça fait partie de toute l'expérience humaine. Ça fait partie du karma préliminaire. Mm-hmm. Fait que quelqu'un qui étudie toutes les manœuvres géopolitiques de l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Mais d'un côté, il faut que tu dises ça à un juif. Parce qu'il ne sera pas content. Puis il va avoir raison. Parce que son peuple est super. Puis d'un côté, tu es capable de regarder un juif et dire, bon ben, si tu avais été un juif conscient, tu aurais quitté ton camp, Jésus, au lieu de rester là. Ben non. Tu voulais rester là parce que tu avais tellement peu d'identité que tu voulais vivre la souffrance pour ton peuple. Fait que toi, tu te mets à faire de la vue. Mais si tu te mets à faire de la peau. Mm-hmm. Fait que les Juifs qui ont été intelligents, c'est ceux qui sont partis de Berlin et de Nuremberg, qui ont pris le train de la New York. Ils sont là aujourd'hui, la Diamond Planter. Eux autres. Eux autres qui sont là. Fait que, tu peux pas juger. Non. Quand t'es objectif, tu peux pas juger. Fait que dans un sens, quand t'es objectif, tu as beaucoup de difficultés à donner raison à l'histoire. Parce que tu es toujours au-dessus de l'histoire. C'est un petit peu comme Hegel qui parlait de Geist of History. C'est toujours dans l'esprit de l'histoire. Fait que moi, je suis pas capable de regarder le Québec au niveau de la polarité du Québec, le oui puis non, et ce. Parce que je suis obligé de regarder le Québec dans l'esprit du Québec. À ce moment-là, la politique va être allure, que ça soit que ça aille dans le non ou que ça aille dans le oui. Sans ça, ben, tu polarises tes émotions, tu polarises ton intellect, puis tu deviens dans un sens, un participant mécanique à un mouvement historique qui ne ressort même pas de ta volonté. C'est pas ta volonté, c'est ta volonté des gars de 10 ans, 15 ans, puis là, ça se greffe à un autre, ça se greffe à Parisot, ça se greffe. Tu sais, ça ne sort pas de ta volonté. Si ça sortirait de ma volonté, à ce moment-là, ça serait une autre affaire, mais ça ne sort pas de ma volonté. Fait que l'homme individualisé n'est pas capable d'utiliser sa volonté socialement. Il l'utilise individuellement. Tandis que l'homme inconscient utilise sa volonté socialement à travers des entrapements sociaux. Donc, le référendum, c'est un exemple, ou les idéologies des pays socialistes, c'est un exemple, ou ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, c'est un exemple. Tandis qu'un individu n'est pas capable d'utiliser sa volonté socialement, il l'utilise totalement individuellement. Par contre, automatiquement, à un certain moment de sa vie, il est obligé de s'exclure du cercle idéationnel de sa civilisation pour rentrer dans sa propre culture, c'est-à-dire dans sa capacité personnelle de cultiver ses idées, c'est-à-dire de se mettre en vibration créative pour que des sens du plan matériel des idées qui ne sont pas atteintes ou qui ne sont pas

un film qui a fait un boucher dans le monde, qui est arrivé en Angleterre, puis sur le petit des extraterrestres qui a été fait supposément en 1947, au Sud-Ni, près de Duquet, puis l'instant de Roswell. On est en 1995. On a accès à l'information qui vient de 50 ans, qui peut être vrai, qui peut être truqué, nobody knows. Les gouvernements 47 aux États-Unis, ils ont pu s'appuyer sur cette information-là. Le mental des Américains était totalement différent dans ce temps-là d'aujourd'hui. Il y a eu tellement de mutations au niveau de l'information. C'est là où on regarde des films de même, puis les gars, ils ont fait ça sérieusement, dans le sens qu'ils ont fait venir des spécialistes, des gens qui font des autopsies, des meilleurs, comment ça s'appelle ça, le terme médical, en tout cas, un médecin qui est reconnu dans le monde, qui a fait une 40 000 autopsies dans sa vie, qui font venir des spécialistes, pour voir, puis des spécialistes du cinéma, du film, Kodak, ainsi de suite, pour voir si ce film-là est réel. On est en 1995, puis on ne peut pas savoir, on n'est pas réussi, là. On ne peut pas savoir si ça, ce qu'on voit sur la pellicule, c'est réel. Encore, il y a encore un doute. La seule façon que tu peux avoir une confirmation, c'est par en dedans. Mais si toute confirmation par en dedans, ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a pas d'émotion. Fait qu'eux autres, comme même qu'eux autres me diraient, bon, le cas de Roswell, c'est réel. Il y a eu trois extraterrestres qui sont venus. Il y a un qui s'appelait là, tel nom, l'autre s'appelait tel nom, l'autre s'appelait tel nom. Puis il venait à telle planète, et tout ça. Ça me dit quoi, moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je pouvais pas prendre à la presse à Montréal, sur écrire une histoire sur l'histoire de Roswell. Je suis pas intéressé. Fait que, c'est comme si me parler de ça, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'émotion dans le mental. J'ai pas d'imagination. Faut juste demander, mais Christ, s'ils ont pour dire, ils viendront chez nous, ils cognent dans la porte, puis après ça, là, je saurai que c'est vrai. Mais en attendant, foutez-moi la tête avec des interventions planétaires, interplanétaires, cosmiques, et tout. Foutez-moi la tête. Autrement dit, je ne suis pas intéressé, en tant qu'être humain, à me faire constamment bardasser le cerveau pour goûter un petit peu à l'étrange, pour goûter un petit peu à ce qui est grand, ou peut-être goûter un petit peu à ce qui est transhistorique. Pourquoi? Parce que mon identité ne me permet pas, en tant qu'individu, de castraliser l'information. Okay. Je suis pas intéressé. Donc, ma femme me dirait, bon, mais j'ai vu un extraterrestre hier, elle dirait, good for you, va manger avec. Je suis pas capable de croire. Puis c'est ça que j'attends, là. Sans ça, ben, je serai toujours à la recherche de, à la recherche de, à la recherche de. Tu passes ton temps à vivre à la recherche de. Faut être intéressé. On est toujours sollicité. Fait qu'à ce moment-là, ben, s'il veut venir chez nous, et qu'il vienne chez nous,